Le club de la bonne musique. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Un public trié sur le volet. Des animateurs capables de vous entraîner jusqu'au bout de la nuit. Allez, on y va, on se remue, on continue. C'est la fête. Le club, laissez parler vos envies. Mais ouais, voilà, c'est parti, c'est le club officiellement qui démarre dans cette deuxième partie. Oui, avec jusqu'au bout de la nuit. Vas-y, fais chauffer. Alors, avec Transconnection. Présent dans le club, présent dans le club, il y a également notre ami Julien pour cette deuxième partie. Il faut l'applaudir, on peut pas le laisser comme ça sans applaudissements. On a également Bretto, le Sicilien du groupe. Ouais, que de bientôt devoir partir. Ah bah tu vas entamer un peu cette deuxième partie quand même. Tu viens juste d'arriver. Ouais. Après tu cours, hein, c'est pas grave. De toute façon on n'est jamais en retard, on est toujours en avance quelque part où on l'est pas. Oui. Mais je voulais dire un truc qui ne voulait rien dire. Mais comme on dit, avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure. Et trop tard c'est pas assez tard. Voilà. Allez, je vous et puis bien sûr il y a Jack. Le parrain. Le parrain. On va enchaîner avec le sommaire présenté d'une voix de maître par Julien. Julien, ta voix de maître. Bonsoir. Bonsoir Julien. Dans la deuxième heure, il y aura le générique télé présenté par quelqu'un. Julien. Voilà, merci. Ouais. Donc rubrique que vous attendez tous avec impatience. On va redécouvrir les génériques qui nous ont marqués dans votre enfance. Et le dossier du jour, le sketch, la minute culturelle. La série radiophonique, et puis c'est tout. Eh ben c'est plutôt pas mal. Voilà. Et le son du jour. On va rajouter le son du jour. Son oui, du jour. C'est possible. On va rajouter le son du jour. Ça va être à vous de reconnaître le son du jour. Tout ça, c'est dans le club. Le club, c'est également de la musique, hein, parce que si on parle tout le temps, ça commence au bout d'un moment à être fatigant. Donc à un moment donné, on vous lance de la musique, et ça va être Color. Et ouais. Voilà. Superbe chanson. Color le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Indolore les murs, écoule dans le fleuve la fracture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge, à jamais. Car le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour il me révèle. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps. Chaque ciel. Voilà, sur Station Millennium, on retrouve tout de suite la séquence donc générique télé avec toujours les deux mes deux compagnons de galère. Donc Bretto. Oui, toujours là. Vas-y, parle bien dans la sucette et puis hop. Ben, puis, ouais, ouais. Voilà. Et puis Jack. Ouais. Faut savoir quand même que t'es passé passionné, de l'autre côté, passionné, hein, t'es passé voilà. En régie là. J'ai le pouvoir. Ça ne rigole plus. Donc Mais dis-moi non, Julien, mais oui. Qu'est-ce que c'est le principe du quiz musical? Le principe je du suis quiz très, musical. Je suis très bête, hein, jeune connard. Du quiz générique télé, parce que le quiz musical c'est tout à fait autre chose. Donc je vais passer quelques génériques télé et vous allez devoir me dire lesquels sont-ils. Je vais encore te poser une question. Bon. Les auditeurs peuvent-ils jouer, Julien? Oui, les auditeurs peuvent jouer en Ils n'ont rien à gagner, mais c'est le panache. Ils peuvent appeler s'ils ont le numéro, ouais, ça on les laisse, appeler, on voilà. Les laisse. Oui, parce que bon, on veut pas faciliter, on va pas péter les standards. Ben non. C'est quand même un standard qui a coûté. Et déjà que notre celui qui répond au téléphone standardiste, il vient de partir là, il y a quelques minutes. Voilà. On va pas non plus faire péter le standard. Comment on ferait pour répondre? C'est le risque. Donc alors, on va y aller. On va bien sûr couper la musique de fond. Ah, je croyais qu'il fallait attendre. Qui pourtant moi. Était très belle. Ouais. Hein? Écoutez là. Ça c'était des morceaux comme on n'en fait plus. D'ailleurs, on n'en fait plus. On n'en fait plus et c'est bien dommage. On n'en fait plus. C'est genre musique d'ascenseur, ça fait toujours plaisir. Moi j'adore, hein, mais c'est vrai que. C'est de la bonne trance. Trans Connection. Il est resté dans le trance. Trans Connection. Hein, alors, numéro 1 de ce quiz. On va tout de suite commencer avec la première question. On fait le silence. C'est un dessin animé. Oui, ouais, c'est que des Ah, c'est un spécial dessin animé. Très loin dans l'espace. Albator. La terre est venue. De l'espace. Le ciel garde encore la face. On n'entend pas. T'as dit quelque chose, Bretto? Capitaine Flamme. C'est pas. C'est bah non, c'est. Le prince de l'espace. C'était le prince de l'espace, donc on s'est complètement vautré. Un point. Zéro point partout. Zéro, voilà, vous avez zéro. J'espère que chez vous, vous avez découvert. Bon, tant pis, on va y aller avec un deuxième. Pas besoin de plus. Hein. Starkey Hatch, c'est tout. Voilà, mais pour Bretto, hein, un point, bravo. On peut réécouter là. Tu remets le début. Ça me dit quelque chose, mais. Ah ouais, d'accord. Starkey Hatch, en effet. Deux secondes pour reconnaître. Deux secondes, il l'a reconnu, il est fort. Deux secondes, bah c'est fort. On va enchaîner avec. Donc tu mènes 1-0, Bretto. Voilà. Il est fort. Dans le spécial quiz série TV, dessin animé. On écoute. Tintin. Je connais, hein. Puisque j'ai fait la musique avant même que vous l'entendiez chez vous. Ça, c'est pour donc les ça vieux. Veut dire que je connais. C'est pour les vieux. Tintin. Ah oui, XOR. Non. 5 Kukai. J'ai entendu 5 Kukai, c'est la bataille. C'est bon? Bah oui, bah c'était pour. Eh ben bah, je lui file ça de trempe à Bretto. Là, on revient à égalité un partout. Ouais, ça, je connaissais pas. En même par temps, t'as fait que répéter. 5 Kukai. Non, attends, j'avais la musique avant même que ouais, la musique joue. Ouais, hein. Attends, je vais pas m'énerver, mais s'il y avait un huissier de justice ici, il donnerait un petit peu de la voix et. Et puis non, il m'entendrait. Dis, bon, il m'entendrait. Normalement tu devrais avoir qu'un demi-point. Mais bon. Vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Je vais chanter d'ailleurs. Donc, on passe tout de suite avec le troisième morceau. Qui va peut-être vous départager. Ben je pense. L'amour du risque. Ah il est fort. Allez c'est 2-1. On réécoute. 2-1. Ah je suis désolé Bretto. Hein. Ouais mais ouais, si vous passez ici, elle est nulle là. Je rate jamais. Allez Jack, chante. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Bah je vais pas vous faire l'affront de chanter quand même. Donc 2-1 je mène Bretto. Et oui. Je mène. Bon, on va faire ça en 5 points. On fait ça en 5 points. 5 points, c'est long. 4, c'est bien. 4. Ah ouais, 4, c'est moi, bien. Je voulais dire 5 questions. Ah oui, 5 en tout, d'accord, très bien. Voilà. Plus que 2, donc 2 ou 3 questions. Oui, selon. Allez, 3. Voilà. Allez, Maître Galibert nous dit 3 ici présent. Galibert, donc voilà. On va l'écouter, on va faire 3 chansons. Donc chez vous, bah, si vous avez tout reconnu, vous nous avez battu puisqu'on en a oublié une. Peut-être que vous allez nous battre chez vous. La suite. Peut-être le point de la victoire. Ça pourrait être une balle de match, peut-être, effectivement. Peut-être. Attention, ou peut-être que Bretto va revenir à égalité. Je n'y crois pas trop. Hein. Qui sait ? Qui sait ? Deux flics à Miami, allez, c'est parfait. 3-1. Bravo, bravo. C'est pas du jeu. Eh, dis donc, t'es long, Bretto, là, tu réfléchis. Non, mais. Tu connais pas, hein. Bah, si, mais moi, je suis plus dessin animé et tout ça. Quoi. Ah, ouais, mais il y en a eu des dessins animés. Hein. Ah, oui, il y en a eu. Il y en a eu, t'as pas tenté ta chance. 3-1, dommage, hein. Est-ce que je suis le plus fort, le roi des quiz, c'est moi ? Oui. Bah, maintenant, on va faire un super banco pour Bretto, quand même. J'ai entendu ça quelque part déjà, j'ai entendu le super banco. Un super banco. Donc on va chercher. Mais il pourrait y avoir un super qui n'arriverait pas. T'as vu comment je suis doué ? Voilà. T'as vu comment je suis fort ? Ouais, Bretto, dis un chiffre au hasard entre 1 et 31. Entre 1 et 31 ? Attention, c'est pour ta victoire. Ouais, dépêche-toi, c'est pas dur de trouver un chiffre. 22. Capitaine Flamme. Non, je connais pas l'album. Hein. Vas-y, tu peux y aller. Capitaine Flamme. 22. Bon, la 22. Ce n'est pas un dessin animé à tant de désavantages. Mais donc bon. Tu as déjà une petite pénalité. Je pense que tu dois te sentir mal. Et dès que je vais entendre les premières notes, à mon avis... Quand même, Quentin, tu veux être gentil, tu vas lui laisser le 5 secondes. Qu'est-ce que fait notre régisseur Quentin, d'ailleurs ? Il devrait nous apporter des verres d'eau au lieu Tu vas lui laisser 5 secondes. Mais je vais lui laisser 5 secondes, il n'y a pas de problème. Tu vas empêcher Jack de répondre pendant 5 secondes pour laisser un petit avantage. Je te laisse 5 secondes. Voilà. Il est beau joueur, quand même. Ah non, pour mais le Super Banco. Ouais. Super Banco, je laisse 5 secondes. Allez, top. 5. 4. 3, 2, ça c'est bien aimé. 0, bravo Bretto. 10 secondes quand même. Ah, c'était 10 secondes. Il a mis 10 secondes à répondre. Bon, eh bien, de toute façon, j'ai gagné 3-2. Ouais, hein. De toute façon. Tu as gagné, mais tu as quand même perdu. On finit par quel superbe titre donc, de ton choix. Bon, bah, maintenant, hein, on va peut-être en passer un en entier. Le choix coup de cœur, effectivement. Le choix coup de cœur, donc... Moi, j'ai toujours la série... que même nos grands-mères appréciaient beaucoup et même nos mères pendant qui a été diffusée pendant pas mal d'années. Il va nous trouver un truc bien. Écoutez, il va nous trouver quelque chose de grand à mon avis. Et ça c'est non seulement c'est une série qui a fait un carton, mais en plus le générique il aime ça. Il est du feu de Dieu. D'ici quelques instants, vous retrouverez le dossier du jour. Faut le dire, faut le préciser. Juste après, le carton de Dieu. Voilà, donc avec les personnages de cette série, donc J.R. sous Hélène. Dallas. Reconnu, voilà. Excellent. Dallas. Quentin toujours été... Jack toujours plus rapide. Ouais, hein, Jack est rapide. Hein. Tu mets une étiquette sur ton front. Mais on avait des problèmes de prénom, tout ça. C'est Dallas. C'est parce qu'il change de prénom toutes les semaines. Dallas est juste chiant. Après le dossier du jour. Tu ne redoutes que la mort. Pas compris. impitoyable. Le Club, la seule émission de radio réservée à un public VIP. C'est nous les VIP, c'est vous les auditeurs. C'est nous qui sommes la radio, hein, c'est nous qui sommes dans le club, l'émission la plus... Julien, tu peux le dire ? Ouais ! La plus VIP de la bande FM, tout à fait. Toujours en compagnie de Bretto, qui nous accompagne également, et de Jack, moi-même. Le régisseur est parti, là, cette fois ? Je vous rappelle qu'on a un régisseur qui s'appelle Quentin, hein, qui n'arrête pas de venir tournoyer dans le studio. Tu es fatigant. À chaque fois, il se met devant Jack. Il se ressemble un peu, à chaque fois, il y a des confondations. Il est beaucoup plus con, faut le dire. Il est beaucoup plus beau. on va enchaîner avec le dossier du jour. Puisque, vous savez, le club a tendance à pousser des portes ouvertes. Et aujourd'hui, nous allons encore pousser des portes. Nous n'avons peur de rien. Non, peur de rien. Et on ne regrette rien. Alors voici tout de suite le dossier du jour. Attention, mesdames et messieurs. Le dossier. Ouais. Le dossier du jour. Voilà, ça c'est des jingles qui sont bons. Hein. Alors le dossier du jour, c'est un spécial émission disparue, émission télé disparue. Oh. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la porte d'une famille en or. Oh. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission, famille en or, présentée par Bernard Montiel, puis Laurent Cabrol et Patrick Roy au tout début, voilà. Hein, qui a disparu évidemment. On va, je vais vous poser. Julien, si tu l'as vu, tu peux rappeler très rapidement le principe pour nos auditeurs qui sont novices d'une famille en or. Quel était le principe ? Oui. Je m'en souviens pas. Faut savoir que... Il y avait des thèmes, des questions, des questions à compter bien, et on gagnait des points, et à la fin, on gagnait une grosse somme d'argent. Mais là, dans ton explication, on ne sait pas pourquoi ça s'appelle une famille. Parce qu'ils jouent en famille. Ils jouent en famille, et chaque membre doit répondre à un questionnaire, en fait. Et après, c'est seulement un seul membre qui répond à un seul questionnaire pour pouvoir gagner le bleu à la fin. Quoi. Je vais essayer de vous donner ma version. Ouais. Peut-être la version pas tout claire à fait la même. Effectivement, c'est deux familles qui s'affrontent autour de questions, dont des questions qui ont été répondues par 100 Français, c'est clair ? Oui, un peu le principe d'attention à la marche, mais c'est ça, tout à fait. En vieux, quoi. Voilà. Et en famille. En version famille en or. Alors, on va poser une première question. Donc, vous allez pouvoir jouer. Il y a la famille Bretto, la famille Julien. Donc deux familles qui vont s'affronter. Et chez vous également, hein, jouez. Peut-être que vous allez avoir les bonnes réponses. C'est très quiz aujourd'hui, hein. Alors, la question, attention, la question difficile. Donc je vous rappelle que 100 Français ont été interrogés sur cette question et nous ont donné des réponses. C'est le principe de la famille en or. Voilà. Attention, en vacances, qu'est-ce que vous emportez toujours avec vous ? Un slip. Famille Julien a pris la main. Alors effectivement, des lunettes. Attends, quand il prend la main, c'est lui qui prend la main. Non, je crois que je vais dire. Slip 2. Il y a deux Français qui prennent des. En priorité, hein. Qu'est-ce que vous emportez en priorité ? Deux Français. Voilà, en priorité. Une boîte de capote. Il y a un Français, effectivement, qui prend. C'est moi qui a été interrogé là-dessus. C'est toi qui a été interrogé. Donc là, pour l'instant, il prend et donc Bretto ne peut pas jouer. Hein. C'était le principe de ce jeu, une famille en or. Alors, est-ce que Julien, tu vas être une famille en or ? Il suffit de découvrir les deux derniers, les trois derniers articles. Alors, ma femme. Non, pas du tout. C'est pas un objet. Non, ah bon. C'est pas un objet. Ah bon. Une radio. Il a fait une tellement bonne performance en trouvant slip et boîte de préservatif. Voiture. Je suis obligé de t'accorder le reste. Il fallait dire chaussettes. Rouge et jaune à petits points. Ah ouais, mais pour on moi, a interrogé Dorothée. Ça va avec le slip, quoi. Valise. C'est vrai, qu'est-ce que vous emporteriez en priorité avec vous en vacances ? Une valise. Ah oui, parce que tu peux mettre plein de choses dedans. C'est des malins, les Français. Et ils veulent un objet, hop, une valise. Et une brosse à dents. Parce que une brosse à dents. Les Français sont propres de la bouche. Faut le dire. Et ici, faut amener de l'antifrice avec aussi. Faut amener le dentifrice. Donc ça fait deux objets. Et comme une émission s'est disparue, n'oubliez pas votre brosse à dents. quoi. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça sera peut-être un autre dossier. Il faut pas ouvrir toutes les portes d'un coup, hein, sinon on va avoir des courants d'air. On va tout de suite attaquer avec le meilleur. Pourquoi une famille en dehors ? On a retrouvé des extraits de réponses complètement stupides. C'est pas mal. Vous allez voir. J'ai gagné alors. J'ai gagné le. T'as le gagné. Ouais. Bravo, bravo. Ça fait deux fois que tu perds, attention. Et il est nul, Bredo, il est nul. Attention, les extraits officiels de l'émission Une famille en or, les peut-être les plus grosses conneries qui ont été dites. Juste après ça. J'avais envie de mettre un petit... Le dossier du jour. Le dossier du jour. Ouais, le dossier du jour avec une spéciale famille en or. On a retrouvé le bêtisier de la famille en or. En numéro 1, écoutez bien, c'est une perle. C'est pas la numéro 1, mais c'est en numéro 1 dans la liste. C'est une perle, une personne interrogée sur... Vous allez voir, écoutez bien. Le son est pas de très bonne qualité, mais ça fait plusieurs années maintenant. Voici la question d'une famille en or. Écoutez bien, citez une star de cinéma qui ne soit pas un être humain. Michael Jackson. Oh, voilà, Michael Jackson. Oh là là. Et faut dire, Laurent Cabrol fait bien le type qui est l'animateur qui est complètement déconcerté. Qu'est-ce qu'il va dire s'il écoute. Ça, c'était donc un premier canular, un premier. Peut-être ce qui serait bien, c'est tu laisses Laurent Cabrol poser les questions, puis on essaie de répondre. D'accord, on va voir. D'accord, je vais essayer de faire ça. C'est pas évident. C'est possible. On va essayer. Donc, je vous rappelle que c'est des vrais extraits. On n'est pas allé les chercher à droite à gauche. On les a pas inventés. C'est tiré de la première chaîne. On essaie de trouver la réponse la plus con possible. Donc, Laurent Cabrol, c'est à toi. Quelle partie du corps humain les chiens mordent-ils le plus ? Les couilles, le sexe. Ah, s'il vous plaît, non, c'est bah non, mais ouais, c'est la réponse con, c'est donc la réponse quoi, con. Donc bah, le sexe, non. On va retenir la partie Logiquement, la bonne réponse, ce serait les mollets. Ouais. Après, la réponse con, je dirais les parties génitales d'un homme. Très bien, ça c'est bien, ça c'est. Ah, on écoute. Attention, vous êtes prêts ? Quelle partie du corps humain les chiens mordent-ils le plus ? Anne-Marie. La queue. Eh ouais, bravo. Tout à fait. Alors, je rappelle hein, que c'est des extraits complètement inédits en radio d'une famille en or. On va attaquer avec un autre extrait, encore une autre connerie. Vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes prêts chez vous ? Écoutez, oui. Hein, si vous avez les cassettes, c'est le moment parce que je pense que ça repassera dans pas beaucoup de radios. Une famille en or, quand même, c'est plus quand même l'émission à la mode. Attention, autre extrait. On va essayer également de jouer et de répondre. Hein. Quel aliment mange-t-on avec une fourchette ? La soupe. Attends. Ouais, quel aliment. On peut réécouter la question. Myriam, quel aliment mange-t-on avec une fourchette spéciale ? Une fourchette spéciale, elle l'a dit. Effectivement, ouais. On mange avec une fourchette, Bretto. Tiens-toi bien, de la soupe. Myriam, quel aliment mange-t-on avec une fourchette spéciale ? Des soupes. Eh ouais, des soupes. Encore une émission bonne ambiance, hein, c'était et bonne on ambiance. Remarque que les gens, avant même que Laurent Cabrol pose la question, les gens sont en train de rire, avant que la personne réponde. A priori, ça avait l'air d'être une candidate assez douée pour les questions. Et bien sûr, dans la famille en or, il y avait une finale. Oui, ah ouais, la finale. Bah bien sûr. Il y avait une finale où on posait plein de questions, mais des questions vraies cette fois, parce que là, c'est des questions de société. Qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous en partez en vacances, où est-ce que les chiens mordent en premier. Et il y avait la finale, donc c'était un petit peu plus sérieux, mais il fallait quand même donner le reflet de ce que pouvaient répondre les Français. Écoutez bien cette dame, à mon avis, ça doit être vraiment un reflet, mais un reflet brisé. Écoutez la finale. Lors d'une tempête en mer, quelle peut être la hauteur maximale des vagues ? 1000 mètres. Quel est selon vous le numéro le plus dangereux au cirque ? 69. Si vous étiez joaillier, quelle femme française célèbre serait une bonne cliente ? Catherine Deneuve. Selon vous, combien y a-t-il de sages-femmes en France ? 10 000. Quel hors d'œuvre pourriez-vous ? Et le bip, bah alors c'est quand même très bon. Hein. Le son n'est pas bon. Par contre, qu'est-ce qu'on rigole. C'est quand même grand. Bon, si oui, chez vous, vous avez des extraits d'une famille en or comme ça, ça nous intéresse à la radio. Hein. Faites suivre. La population française est aussi composée de gens comme ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas mal. Ah oui. Et donc on va refermer cette porte, qui était la porte de la famille en or. Je te laisse refermer cette porte. Et ça fait du bruit hein, quand ça se referme. On va enchaîner avec de la musique, parce que quand même c'est une chaîne quand même musicale, le club. Allez, de la musique. Pour finir, je vous repasse quand même la 3 qui était sympa. On part en musique avec Snoop Doggy Dogg, le parrain des chiens. Encore du rap? Non, pas vrai. Snoop Doggy Dogg, c'est mieux que ça quand même. Et puis, juste après, qu'est-ce qu'on fait, Julien, ouais, dans l'émission? Juste après, c'est un petit sketch. Génial, je vous conseille. Ça arrive d'ici quelques instants. Bretto, toi, tu t'en vas. Ouais. Tu files chez toi, tu vas te coucher. Ouais, voilà, t'as perdu au questionnaire. Allez hop. Tu rentres dans ta chambre. Et je vais surtout me faire tuer par mes parents. Mais c'est pas grave. Non, attends. Bah, il avait la permission de 10h30. Non, 10h. Bon, c'est pas l'heure qu'il est, c'est une émission intemporelle. Ça peut être du matin ou du soir. Ah ouais, bah ça. Voilà. Et même de la journée, 10h30 ouais, de la journée. Voilà, 10h30. Voilà. Allez, on se quitte avec ça, Snoop Doggy Dogg. Au revoir, Bretto. Ouais, au revoir. Au revoir. À bientôt, ouais. Tu reviens dans 15 jours. Ben oui. Ou dans un mois. Non, dans 15 jours. Ou dans 2 semaines, ou dans 1 semaine. Ou dans 1 semaine aussi. Ou jamais, quand peut-être. Quand tu veux. Une famille en or. Ariane, quel aliment mange-t-on avec une fourchette spéciale? Des soupes. Doggy, what you gonna play now? Loco, I don't know, but whatsoever it is, it's got to be funky. Yeah. A little something, something like that there, you understand me? SWB. With the D-O-double-G. NYC, LBC, DPG forever, you feel me? Check this out. I get into it so slick and fast. I'm about to mash in the cash, moving so fast. I jumped in the slow lane, low lane, no man. Snoop Eagle double G's on the microphone and I'm about to blow, man. I'ma take you from the top right back down to the middle. Get your kid a better, cause yes indeed I'm a spittle. Little game to y'all, don't stall or crawl. This SWB came back with that food, dog. Yeah, it's getting funky, funky. We keep it funky, never slipping. Oh yeah, that's funky. Way too major, baby. We way too funky with this. I mean, it's way too major, baby. It's going down. 1997, all dogs go to heaven. Can you dig it? I can dig it. Check. Feel this, feel that, everybody wanna be felt. Listen to me, cause I get you hot until you melt. Jump on the scene, get you funky and wet. Cause I know you wanna roll with this true fact. I'm a player and they say a player like me ain't never been a faker. Yes, I love a Lakers. Life is like basketball. You're just dribbling and scribbling, writing on the wall. I get into it so quick and fast, no need for y'all to take your mind and your body off me. Cause I'm about to get ya, spit ya, split ya, did ya, bite ya. No, I don't bite, I bit ya, no, I rich ya. I got ya all in the mood. Yeah, it's on us. We can roll just like the Greyhound bus. We can stop in your town, go back downtown. Now recognize, cause the game gon' be spinning around. Ha ha. Summertime. East side, west side, south side, north side, your side, my side. Just ride to this. You hear me? Ride to this. Did you hear me? Ride to this. Did you hear me? Ride to this. Yeah, I said ride to this. Can you feel me? We're gonna do a little something like this. Never fall off, never slip, always catch a grip. No need for you to try to set trip, just sit back and dip. Roll with this player, cause I'm gon' get you funky. When we break it down, we get the monkey. Yeah, but need to make you jump up, thump up, bump the beat. Lay back, relax, listen to the D-go double. You in trouble, S-W-U-V. Back with the player from the LBC. Way too funky. Real funky, you know? Sort of like this beat. Who hooked this beat up? Who hooked this beat up? My folks at RCA cared of my homeboy Kenshi, you know? Snoop Dogg avec le titre Just Funky. Ah oui, vous ne l'avez pas entendu en radio depuis assez longtemps. Et nous, c'est ça dans le club. On n'a pas envie de passer que des trucs qu'on passe régulièrement. Quoi qu'on va vous passer de la nouveauté également, rassurez-vous. Mais on va vous passer également... Que des trucs bien. On n'a pas envie de passer que des trucs bien. On a envie de passer des trucs assez sympas, assez originaux. D'ailleurs, il y a une petite dédicace pour toi qui arrive d'ici quelques instants. Tu l'as demandé. Sympathique. Je pense que tu sais ce que c'est. Ah oui, ça va faire plaisir à certaines personnes, je pense. Et d'ici quelques instants également, que retrouverons-nous dans le programme?

Allez, en dédicace, c'est rien pour tous ceux qui aiment bien Kyo, c'est Le Chemin. Ne parle pas, t'as les paroles, hein. Allez, c'est rien que pour ceux qui aiment Kyo. Je vous remercie. Regarde-toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ongle. Regarde-toi, à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge, on a changé. Voilà, sans transition, vous nous retrouvez, c'est le club, toujours en compagnie de Julien. Et oui, est-ce qu'on peut dire Vreto, même s'il est parti? Ouais, bah son esprit est toujours là. Vreto, tu es là, si tu nous écoutes d'ailleurs. Salut à toi. On enchaîne avec les conseils du jour. On a un appel. Bah, c'est pas possible. On décroche. Peut-être que quelqu'un a besoin d'un conseil. Bonsoir. Attends. Allô. Oui, allô. Ah, tous nos moyens techniques s'écroulent hein, quand on a des auditeurs. On va baisser la musique de fond, voilà. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Bonsoir. Va falloir parler fort dans ton téléphone, on a des allô problèmes alors, ici oui, à la radio. Bon, alors Oui. Bon, est-ce que tu as ta radio derrière toi, puisque ne pas t'assurer un retour. Ah non, pas du tout. Hein. Elle est loin derrière moi. Elle est loin derrière toi. Bon, alors. Pas parler fort parce qu'il y a des gens qui dorment. D'accord. Tu as un problème? Il a un problème là? Pourquoi il nous a... Qui nous pour, appelle pourquoi nous, pourquoi nous appelles-tu tout d'abord? Je vous appelle parce que je voulais vous faire part d'un problème que j'ai. C'est que j'ai un gros problème, c'est que j'aime bien faire la fête. Ah, oui. Nous aussi. Ça se comprend, ça se comprend. Bon, je me présente quand même, je m'appelle Max, quoi. J'ai 17 ans. Salut Max. Et, Max, 17 ans. Mon truc, c'est j'adore faire la fête. En fait, en gros, toutes les occasions sont les bonnes. En fait, tous les week-ends, c'est top délire, même le dimanche soir. Alors le problème, c'est que c'est tellement fun que le problème, c'est que... j'ai un gros problème, c'est que je sais pas comment, j'arrive pas à assurer le matin. Ah, c'est marrant ça, donc tu te couches. Non, je suis complètement dans le coltard. Faut dire aussi également que ça aide pas, mais je me couche toujours à 6h du matin. Ah, ça aide pas. Ouais, et tu dois te lever à quelle heure? Pardon, je t'ai pas entendu. Tu dois te lever à quelle heure? Je me suis levé à quelle heure? Excuse-moi, je suis un peu sourd parce que les boîtes de nuit à force. Ouais, mais attends, tu te rends compte, Max, 17 ans. J'ai perdu 3 dixièmes au niveau des tympans. Mais il passe son temps dans les boîtes, c'est normal, ouais. Ouais, je disais, ouais, je me lève à quelle heure en général? Ouais. Oui. Bah, je sais pas, dès que j'arrive à me lever, en général, c'est sur les coups de 8h. Alors, je vous appelle, je voudrais savoir si vous auriez un secret pour me donner. Je sais pas, j'ai tout essayé, les enfêtes. Non! Et tous les trucs qui prennent, tu sais, les dopés là. Et tu t'es bien rendu compte que ça ne marchait pas? Alors, la bonne méthode. Julien, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, non. C'est ridicule, même. Les drogues, ça ne marche pas. Est-ce que je peux préciser? C'est ridicule. C'est ridicule, oui. On est offusqués parce qu'il ne faut pas le faire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que honnêtement, j'ai vachement du mal à me lever le matin et c'est loin d'être fun, quoi. C'est pas hyper cool. En plus, le matin, je commence avec un cours de match, je jure. C'est carrément mortel. Ah oui, c'est vrai. Mais je comprends Max, moi, en même temps. J'étais comme lui à son âge. J'explique des arithmétiques à 2 francs et puis toi, tu comprends rien. À 2 euros, attends, parce qu'on est passé en euros. On est passé en euros là depuis. Mais là, tu vois, moment. Je suis complètement speed parce que là, arrivé à cette heure-là, je suis en forme, tu vois, j'ai la niaque là par contre. Ah ouais, c'est bien ça. Peut-être bien. Déjà, on pourrait conseiller à Max. Ah ouais, non, mais je suis complètement déphasé. On peut te conseiller peut-être de boire plus d'eau. Tu dis quoi là? Boire plus d'eau, je pense. Attends, 2 secondes, t'as 2 secondes. Tu branches ton sonotone, vas-y, on attend. Ouais, attends. À 17 ans, un sonotone quand même. C'est un petit peu jeune, je trouve. Je bouge pas. Tu crois qu'il est parti faire la fête là? Il va revenir dans 6 ans? Il est parti demander à sa maman s'il pouvait rester téléphoner un petit peu plus. Ouais, tu nous entends mieux là? Ah bah carrément, ouais. Ouais, je disais déjà, premier conseil, bois un petit peu plus d'eau et un petit peu moins d'autres choses, tu vois. Ah, tu crois que ça marche bien? Parce que bon, c'est vrai que là, la réussite, j'y crois que j'ai vu toutes les couleurs du clan Campbell, hein. Ah non, attends, on va devoir censurer en plus. Non, moi je crois que vu ton âge, la meilleure méthode, c'est la maman avec le seau d'eau qui te réveille au seau du lit. Ah, ça c'est pas mal comme méthode. Ouais, parce que là, je te dis pas, la dernière fois, la veuve Clico, je l'ai vu au réveil aussi, hein. Pas de marque, jeune homme. Ah, ces petits 17 ans, là, ils se croient tout permis. Ah ouais, hein. C'est des rebelles à cet âge-là. On peut pas laisser dire des choses comme ça. Écoute, déjà, premier conseil. Oui, j'écoute. Tu passes à l'eau. Tu passes tes week-ends à l'eau. À la comment Vichy, à la Célestin, tu vois, ça c'est des marques que tu peux citer. Voilà, l'eau, c'est bien. Je sais pas, de l'eau, de l'eau de source, voilà. De l'eau plate, de l'eau gazeuse, de l'eau de la piscine. Voilà, non pas de la piscine, non, il faut expliquer à Max que l'eau de la piscine ne se boit pas. Hein. Julien, tu lui expliques. Hein. Oui, parce qu'elle a ça de goût complètement, hein, parce que la dernière fois j'ai bu la tasse. Bon, j'ai bien essayé pour me réveiller, mais bon, c'est pas top quoi. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des petites infos qui aient fait des choses dedans. Max, il est naze, hein, Max. Max, t'es naze, là. Est-ce qu'on peut peut-être le conseiller d'aller carrément se coucher ce soir, exceptionnellement, un petit peu de plus suite, tôt, aujourd'hui, je ne sais pas. Ah, je peux pas, là, il faut que ça se mure à ton autour du lit, là. Je pourrais pas dormir tout de suite. Il est excité comme une sauterelle. Ce qu'on va faire... Bois de l'eau avec un petit sirop dedans. Voilà, tout à fait. C'est bien, Julien. Quoi ton sirop que tu mets, alors, là? Ça prend drogue, là, pour la... Non, un sirop qui vient du sud pour bien dormir, après. Ah, j'ai jamais essayé ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te passer les conseils de Sophie et Julie, parce que Sophie et Julie, quand même, c'est deux jeunes filles qui viennent spécialement à la radio pour nous aiguiller, pour aiguiller des gens comme toi, un petit peu perdus peut-être, dans le monde de la nuit. Beaucoup perdus. Ah, beaucoup oui, perdus. Beau cri. Et donc, mon seul conseil, c'est que tu écoutes un petit peu leurs conseils, justement. D'accord? Ouais, mais alors très très vite, parce que là, j'ai plus de nerfs en place, là, il faut que je reste calme. Allez, on va faire venir les filles, ça s'appelle la rubrique de Julie et Sophie. On te le cale tout de suite, hein. Julie et Sophie dans la radio, s'il vous plaît, les deux plus jolies co-animatrices de la bande FM. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles arrivent? Tu es toujours là? Ah bah ouais, non, je suis là encore. Ouais. Attends, il faut qu'on les retrouve, hein, parce que sinon tu vas pas tenir. Je le sens à ta voix que tu es mal, tu es pas bien, toi. Il trépigne. Et il n'y a pas un plan teuf ce soir pour là, parce que là, honnêtement, un plan teuf. Cool, ouais. Est-ce qu'on a un plan teuf? Non, je te jure, là, je calcule plus, là, sur le coup, là. Oui, je n'ai rien pour ce soir. On n'a pas de plan teuf, là. Non, mais moi, je pense que vraiment, franchement, là, il faut que tu commences. Je sais pas, t'as rien, t'as pas l'amicale laïque des petits-enfants catholiques, on non? On a rien, il faut que tu commences petit à petit à te reposer. Peut-être à vivre le jour, peut-être plus à... Oui, c'est ça, à abandonner peut-être la nuit. Vois-tu? Ah, peut-être. C'est des choses qu'il faut savoir faire. Dis donc, Julie et Sophie, là, elles traînent parce que lui, il est vraiment en difficulté, ça se sent. Julie et il Sophie. Au bord des larmes. Il se sent pas bien. Ah, il pleure. ne pleure pas, Max. Ah, ça va. T'es émotionné? Un petit peu, non, c'est pas ça, c'est... Waouh, je suis en forme. Bon, bah, on a... Là, je viens d'avoir le boss au téléphone. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Il va falloir encore que tu fasses la fête. C'est pas vrai. Les filles ne sont pas là. Non. Donc, si. Tu devras attendre la prochaine émission. Merci de ton appel, en tout cas. Bon, bah, t'embouches pas, j'ai un taxi qui arrive. Taxi, ah là, il est reparti pour la fête. Il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. Je vous laisse, les gars, parce que là, ça arrive, là. Allez, ciao, ciao. Ciao, bonsoir. Bonsoir. Allez, à la prochaine, bonne soirée. Ciao. Ah là là, faut pas faire ce qu'il fait. Il y a des gens comme ça, des fous. C'est des fous. Faut pas faire ce qu'ils font. Faut rappeler quand même que l'abus d'alcool, l'abus de tout est dangereux pour la santé. Faut le dire. Oui, mais bon, c'est pas interdit d'en consommer. Avec modération. Voilà. Mais il y a des fous quand même. Bah, et qu'est-ce que font Sophie et Julie? Elles sont pas là, ça aurait peut-être pu l'aider. Tant pis, la semaine prochaine, le mois prochain, on les aura. C'est le risque, c'est le risque. Ouais, bon, on est obligé d'annuler cette rubrique. Quel dommage. Quel dommage, elles étaient les plus jolies animatrices de la bande FM ne sont pas là, tant pis. Quel dommage. À la place, nous vous donnerons le son du jour. Ça marche ? Le son du jour, ben... On va vous faire découvrir un son, va falloir que vous nous donniez votre version de ce son. Et puis pour la musique, Snap, merci en tout cas à Max qui nous a appelé. Courage, un jour la fête peut-être s'arrêtera en toi, le démon de la nuit cessera, et un jour tu retrouveras la sérénité peut-être qui t'animera jusqu'à la fin de tes jours. On peut le souhaiter en tout cas. Oui, tout à fait. N'est-ce pas Julien ? Mais quand même, pour lui donner un petit coup au moral, puisqu'il doit pas se sentir très bien le garçon... Snap, I've got the power, d'ici quelques instants, le son du jour. Et puis vous allez me chercher Sophie et Julie, parce que là, elles sont pas venues aujourd'hui, ça va, règlement de compte dans le studio. Attack, front to back, in this thing called rap. Digger like a shovel, rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 714, live, divine. Maniac, brainiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. I've got the power. Est-ce que vous l'avez eu, en tout cas, le power? Vous l'avez eu, ici, dans le studio? Oui. Ça a balancé un maximum, hein. Ah, vraiment un maximum. J'adore l'ambiance studio, elle est géniale. Ouais. I've got the power. Bon, alors, tout de suite, dans le club... Ah oui, c'est le club. Parce que vous écoutez le club, hein. Pour ceux qui prennent en route, vous écoutez le club, l'émission la plus VIP de la bande FM, avec évidemment des bons sons, des bonnes rubriques. Tout de suite, la rubrique. Qu'est-ce qu'on retrouve ? La minute culturelle. C'est la minute culturelle, justement. On a un jeune homme tout à l'heure qui nous a appelé. Il cherchait désespérément des conseils. Il était désespéré. Nous allons parler plus généralement dans la minute culturelle du conseil en général. Qu'est-ce qu'un bon conseil ? Et puis on fera également le son du jour, on vous l'a promis, et l'épisode 7. Et on va le faire en deux temps, trois mouvements, vous allez voir, c'est l'émission qui s'accélère. On y va, c'est parti. Alors, attention. Est-ce qu'on se cale un petit fond sonore juste avant de commencer, l'histoire de bien ponctuer l'émission? Allez, c'est la minute culturelle. La minute culturelle. Voilà. Alors, la minute culturelle. Alors, attention, comment un animateur peut parler très très vite pour finir une rubrique parce qu'il est en retard. Aujourd'hui, nous allons vous parler du concept du conseil. Qu'est-ce qu'un conseil? Qu'est-ce qu'un bon conseil? Pour commencer, je tiens à vous citer une citation. Oui, je sais, citer une citation, c'est redondant, mais vous n'avez pas à me donner de conseil. Bon, voilà la citation. Conseil aux arrivistes, mangez du cirage, vous brillerez en société. C'est une citation de Pierre Doris. T'as rien compris. Bon, introduction. Non, très bien. Qu'est-ce qu'un conseil? La citation. Conseil aux arrivistes. Non, c'était bien. C'était bien. Mangez du cirage. Vous brillerez en société. Bon, le cirage, la brillance. Mais je te taquine, Julien. Continue. Bon. Attention, hein. Bon, c'était une citation de Pierre Doris. Bon, personne ne sait qui c'est. Comique. Un acteur, un comique français. Voilà. Bon, ça ne m'arrange pas plus. Hein, je ne sais toujours pas qui c'est. Donc le conseil, qu'est-ce que c'est? Voici une définition plus précise dans la minute culturelle, qui normalement doit durer une minute. Donc je vais accélérer encore. Allez, accélérons. D'abord, on ne doit jamais demander à quelqu'un « donne-moi un bon conseil », car un conseil n'est jamais mauvais. S'il est mauvais, ce n'est plus un conseil, c'est une connerie. Alors qu'est-ce qu'un bon conseil? Un bon conseil des ministres, par exemple, c'est quand tous les ministres étaient contents. Un bon conseil de classe, c'est quand la classe était contente. Alors, un bon conseil, c'est quand, après l'avoir appliqué pour vous-même, vous êtes content. Oui, c'est philosophique, hein, moi je te le dis. Ouais, c'est bien. Mais il est inutile de vouloir trop donner de conseils, car on finit par être lourd, le conseil tue le conseil. Pour finir, je vous donnerai une dernière citation sur le conseil. Si les femmes avaient la majorité dans les conseils municipaux, les créneaux seraient interdits. Oh bah dis donc. Bon, Alan Pease, je ne sais pas qui c'est. Alan Pease encore. Pease ou Pease? Pease. Pease, Alan Pease. Il était un petit peu macho, ce Alan Pease, hein. Il était un petit peu macho. Oui. Allez, sans transition, la suite. Oui, on peut quand même dire qu'il a raison. Qu'il a ? Il a raison. Il a raison sur les créneaux ? Les femmes et la conduite, ça fait deux. Ah, je sais pas. Moi, je préfère rien dire, hein, tu sais. Ah non, parce que je sais pas non plus. Allez, deuxième rubrique. Parce que pour le prix d'une rubrique, on vous offre trois rubriques. Le son du jour. Alors on va vous diffuser un son, il va falloir nous donner votre version du son. Donc vous faites ce que vous voulez, vous écoutez le son qui va être diffusé. Derrière ce son se cache une vérité. Si vous aviez la vérité, eh bien ce soir vous serez, ou demain ou après-demain, vous serez un petit peu moins idiot. Vous aurez la vérité, écoutez bien ce son. Derrière ce son se cache une vérité, écoutez bien. Ça fait mal, hein. C'est un son qui fait mal aujourd'hui. Alors, à ton avis, Julien, toi qui ne connais pas du tout la réponse... Je ne sais pas. Le son du jour, qu'est-ce que ça peut évoquer? Alors, tout d'abord, est-ce que c'est un son qui a été répété plusieurs fois? Ou alors, c'est donné qu'un son? Non, le jeune homme se... On peut le dire, le jeune homme se fait ça plusieurs fois. Si donc, tu veux, pour te réaiguiller... À mon avis... Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, à mon avis, je pense qu'il essayait de planter un clou, puis voilà, il s'est tapé sur la main. Mais ouais, ça serait idiot, planter un clou 10 fois et s'écraser 10 fois le marteau. Enfin, le marteau. Ah, c'est peut-être la demoiselle qui a répondu à la famille en or tout à l'heure, elle était peut-être pas futée. Hein. Ah ouais, peut-être, ouais. Bon, on va vous donner la bonne réponse parce qu'on est en même temps 18. Le temps presse. À votre avis, pourquoi un homme peut en venir à de telles extrémités? vous donne un indice, hein. Il écoute dans son casque, attention, bah, l'indice est déjà donné, il est important. Il écoute dans son casque quelque chose, mais quoi donc? Britney Spears, Eminem, pas très loin. Snoop Doggy Dogg. Pas très loin, écoutez la réponse en son. Voilà le son du jour et l'explication. Céline Dion. C'est du Céline. Ah ouais. Donc, ah là, le son du jour prend tout son sens. L'abus de Céline Dion est mauvais. C'est donc un bonhomme qui se tape la tête contre les murs, apparemment. Ouais, il a, tu vois, si tu veux, il a un gros casque et puis effectivement, il se secoue d'avant en arrière pour éviter ce son qui lui arrive dans les oreilles. Il ne sait pas d'où ça vient. Voilà, c'était le son du jour. Eh ben oui, pourquoi pas. Magnifique son. Allez, tout de suite, dans la foulée, on est bien, on est chaud, on va vous passer l'épisode 7 de Veracruz, puisque la deuxième partie est une spéciale Veracruz. Tu peux nous expliquer un petit peu le concept de Veracruz, pour ceux qui prennent en route, là, tout de suite. Ah, je ne préfère pas m'avancer. Tout à l'heure, il s'est essayé, ouais. Je préfère que tu le fasses toi-même, comme à ton habitude, comme tu sais si bien le faire. Attends. Alors, Veracruz, c'est une saga radiophonique de plus de 30 épisodes, dans lequel vous pouvez retrouver l'acteur Paul Cardo, pris au piège à cause d'une histoire sombre, on le verra plus tard par la suite dans les épisodes, à cause d'une sombre histoire, il est donc rattrapé par le FBI, son père Victor Cardo essaye par tous les moyens de le cacher, et malheureusement à Veracruz c'est quand même une petite ville, c'est pas évident. On retrouve l'épisode 7, vous avez écouté l'épisode 6, écoutez l'épisode voilà, 7. Voilà, très bien. Sur la plage de Veracruz, les nuages assombrissent le ciel, laissant une traînée d'amertume. Paul s'est enfui à la nage vers la ville de River Phoenix. Victor, le père de Paul, est extrêmement déçu d'apprendre que c'est Mark qui a prévenu la police, conduisant le FBI sur les traces de son propre frère. Décidément, rien n'est simple sous le soleil de Veracruz. J'ai honte de toi, Mark. Vendre ton frère. Mais qu'as-tu fait de ton devoir familial? Si Paul n'a rien à se reprocher, il n'a rien à craindre. Je garde mon devoir pour ceux qui en sont dignes, papa. Je crois que tu as cassé la porcelaine de mon cœur et je n'aurai plus jamais confiance en toi. Papa. Quand je pense que Paul est en train de nager pour échapper à la prison. Papa. Je souffre dans ma chair. Papa. Je te laisse dans le mépris. Papa. C'est John du FBI. Entrez, inspecteur. Vous m'avez raconté des salades, monsieur Cardo. J'ai fouillé Veracruz et il n'y a pas de trace de Paul. Il s'est enfui par la mer. Il tente de rejoindre River Phoenix. On peut encore le rattraper, là, quoi, comme bateau? Mais il n'a pas de bateau. Scooter de mer? Non, il est allé à la nage. Impossible, c'est à 200 km. C'est un bon nageur. Il est très capable d'y arriver. Je vais faire boucler l'océan. On va mettre des bateaux policiers partout. On va le piéger. Et vous? Vous allez venir avec moi. Pourquoi? C'est vous qui nous avez refilé ce tuyau, et j'aime pas qu'on se moque de ma tête. Victor, je suis venu te voir. J'ai appris ce qu'a fait mon fiancé Marc, ton fils, Victor. Il a vendu Paul, son frère. Je suis dégoûté. Moi aussi, Victoria, je suis dégoûté. Quand je pense que je les ai élevés main dans la main, comme deux frères, je n'aurais jamais imaginé ça. Personne n'aurait pu imaginer. Il ne nous reste qu'à attendre. Voilà, c'était Veracruz. Carrément. Ah ouais, voili, voilà, moi je dis voili, voilà. Eh, dis donc, c'est la fin de cette deuxième partie. Déjà, dis donc. Ah ouais, dis donc. Eh, générique de fin. On remercie tout le monde, on remercie Bretto qui est venu vraiment 2-3 minutes pour cette deuxième partie. On remercie Julien. Oui, on remercie Jack. Ah ouais, c'est moi. Merci, merci à vous. Et puis on vous dit à très bientôt pour générique la troisième partie. Générique de fin. Tout à fait, tu as tout compris, toi. Toi, tu sais comment ça marche, la radio, toi. Ah oui. Toi, tu te laisses pas avoir. Ouais, 35 ans, je fais de la radio.